Comment Frantz Fanon est devenu algérien? Frantz Fanon, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique, est un psychiatre et un militant révolutionnaire qui s'est fortement impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et dans le combat international contre le colonialisme. Dans l'ouvrage intitulé « Peau noire, masque blanc », publié en 1952, il évoquait, dans des termes saisissants, les souffrances qu'il avait endurées lorsqu'il était arrivé en métropole pour faire ses études de médecine. Sa hantise d'être jamais reconnu sur le plan professionnel par ses collègues blancs, les humiliations subies quand certaines femmes blanches refusaient de danser avec lui dans les bals populaires, par exemple. En 1953, il peut exercer son métier de psychiatre en devenant médecin-chef d'une division de l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville en Algérie. Sans doute parce qu'il avait lui-même subi ce genre de violence symbolique, il combattit alors fermement les thèses de son collègue Antoine Porot, le chef de file de l'école algérienne de psychiatrie. Hâbleur, menteur, voleur et fainéant, le nord-africain musulman se définit comme un débile hystérique, sujet de surcroît à des impulsions homicides imprévisibles. Voilà ce qu'écrivait cet éminent représentant de la psychiatrie française. Fanon ne se contenta pas de critiquer verbalement ces stéréotypes racistes. Il innova dans sa pratique médicale en proposant de nouvelles méthodes, comme la sociothérapie et la psychothérapie institutionnelle, qu'il adapta à la culture des patients musulmans algériens. Il put ainsi montrer que c'est bien plutôt la domination française qui avait fait de l'homme colonisé un être infantilisé et opprimé. Cette expérience professionnelle permet de comprendre pourquoi, en 1954, dès le début de la guerre d'Algérie, Fanon noua des contacts avec des militants du FLN. 2 ans plus tard, il démissionna de son poste de médecin-chef, ce qui provoqua son expulsion d'Algérie en janvier 1957. Il décida alors de renoncer à sa nationalité française pour se définir comme un citoyen algérien. En mars 1960, il fut nommé ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne au Ghana. Malheureusement, atteint d'une leucémie, il dut mettre un terme précoce à son engagement politique. Hospitalisé d'abord à Moscou, puis à Washington, c'est dans cette ville qu'il mourut le 6 décembre 1961 à l'âge de 36 ans, sous le nom d'Ibrahim Omar Fanon. Quelques mois plus tard, l'Algérie devint un État indépendant. Son corps fut d'abord inhumé dans le cimetière de Sifana, près de Sidi Trade, puis sa dépouille fut transférée au cimetière des Chouhadas, cimetière des martyrs de la guerre, près de la frontière algéro-tunisienne. Si Frantz Fanon a pu, à la fin de sa vie, se considérer comme un Algérien, c'est parce qu'il ne défendait pas une cause identitaire. À ses yeux, je cite, « Le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. » Abordant la question de la mémoire, Fanon refusa également de définir l'homme noir à partir de son passé, car, ajoutait-il, « je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive ».